Cela fait des décennies qu'il nous raconte de sa voix douce et paisible des histoires de poussière d'étoiles, de nuages cosmiques et de galaxies lointaines. Hubert Reeves a passé sa vie à essayer de comprendre les mystères de l'univers et à partager ses connaissances avec le grand public. L'envie d'apprendre et de transmettre ne l'a jamais quitté. Au fil des années, l'astrophysicien s'est fait une place à part dans le cœur des Français. Nous sommes nombreux à éprouver un profond respect et une infinie tendresse à l'égard de ce scientifique humaniste aux allures de grand sage qui nous a ouvert une fenêtre sur le cosmos et nous a rapproché des étoiles. Dans un livre récemment paru aux éditions du Seuil, Hubert Reeves répond aux questions de l'éditrice Sophie L'Huillier qui l'invite à revenir sur son parcours, ses découvertes, ses passions et son engagement pour l'écologie. La collection s'intitule « Je chemine avec » et c'est avec un grand bonheur que nous allons cheminer cet après-midi en sa compagnie dans son univers. En fin d'émission, nous prendrons des nouvelles du voilier Tara qui vient tout juste de s'amarrer au port de La Rochelle. C'est le retour d'une mission de 6 mois dont le but était d'étudier les particules plastiques dans les estuaires et en amont de 9 grands fleuves d'Europe. Le directeur scientifique de la mission, Jean-François Guiglione, nous dira comment ça s'est passé. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. On va se déplacer au-delà de la Terre, au-delà des planètes qui nous entourent, au-delà du Soleil et des étoiles, et on va aller très loin. Très loin, jusqu'aux confins de l'univers. Eh bien, de quoi est fait l'univers? L'univers est essentiellement composé de galaxies. L'univers est composé de galaxies, comme un pudding aux raisins est composé de raisins. Il y a des galaxies ici et là, éparpillées au hasard, jusqu'aux frontières, jusqu'à la limite, à ce qu'on appelle l'horizon, parce qu'on ne peut pas voir plus loin. Bonjour Hubert Reeves. Bonjour, bonjour. Nous venons d'entendre l'extrait d'une émission diffusée sur l'ORTF en 1973. Déjà, les téléspectateurs profitaient de vos talents de conteur et de vulgarisateur. Vous avez toujours aimé raconter les sciences, transmettre. Oui, absolument. C'est un goût que je tiens de ma grand-mère. J'avais une grand-mère qui était une excellente conteuse et qui nous racontait des histoires qui commençaient avec des contes de Perrault, par exemple, le Petit Poucet. Mais ensuite, on avait droit à qu'est-ce qui est arrivé au Petit Poucet et ses frères quand ils sont rentrés chez eux. Et ça continuait avec Riquette à la houppe ou bien La Belle au bois dormant. Elle était intarissable et moi, j'adorais ça. Alors, ça n'était pas une scientifique, votre grand-mère? Pas du tout. Mais on une conteuse avait formidable. Aucune connaissance scientifique, mais vraiment, on voyait que ça lui plaisait de raconter. Et ouais. Donc, c'est là que je suis tombé dans la potion, comme on dit aujourd'hui. Alors, vous aimez utiliser des images quand vous racontez l'univers. Là, à l'instant, vous compariez l'univers à un pain au raisin dont les raisins sont les galaxies. C'est une image que vous utilisez encore aujourd'hui, ce pain au raisin? Oui, souvent. Je l'utilise exactement parce que quand il cuit, évidemment, on parle d'une pâte qui s'étend. Donc, il a cette propriété de s'étendre dans l'espace, comme le cosmos, on connaît. L'univers est en expansion. Donc, c'est visuel. J'aime bien ce qui est visuel. On se sent plus à l'aise que dans l'abstraction. C'est-à-dire, quand le pain au raisin gonfle, les grains de raisin s'éloignent sans grossir, c'est un peu ce qui se passe avec l'expansion de l'univers. C'est ça. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, donc l'univers grandit, parce que l'univers c'est un gaz de galaxies, on peut dire. On peut aussi le comparer à un gaz dans lequel il y a des molécules qui se déplacent. L'univers c'est comme si les molécules étaient représentées par les galaxies. Alors. Comment les scientifiques se sont rendus compte, ont compris que l'univers était en expansion? Eh bien parce qu'ils ont observé autour de 1925 à peu près, ça se passe en Californie, Edwin Hubble a accès à de nouveaux télescopes qui permettent de voir mieux et il regarde les différentes galaxies et il s'aperçoit que ces galaxies, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure leur distance, mais il peut aussi mesurer leur vitesse. C'est un peu le principe des policiers sur l'autoroute quand ils vous collent une contravention, ils vous envoient un radar, c'est une onde, ils peuvent mesurer votre vitesse. Hubble peut mesurer les vitesses des galaxies. Et il s'aperçoit que ces galaxies ont un mouvement tout à fait coordonné, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent toutes de nous. C'est ça la grande surprise. C'est ça qui est un élément fondamental. Ils s'attendaient à retrouver des galaxies qui s'approchent, qui s'éloignent, etc. Et la grande surprise, c'est qu'elles ont un mouvement d'ensemble, si on peut dire. Elles s'éloignent toutes de nous et d'une façon particulière. Celles qui sont proches s'éloignent lentement, celles qui sont loin s'éloignent plus rapidement. C'est ça qui donne cette image d'un mouvement global, un petit peu comme un pudding au raisin que vous mettez au four. Et est-ce qu'on sait quel est le moteur de cette expansion? Pourquoi ces galaxies s'éloignent de nous? Bon, c'est une grande question au départ. On a des théories, beaucoup de théories qui sont plus ou moins valables. D'abord, ce que ça dit, une information importante, c'est que l'univers des premiers temps était très chaud. Ça, c'est le renseignement qu'on obtient à partir. C'est comme quelque chose de chaud qui s'étend dans l'espace, vous voyez. Et alors, qu'est-ce que c'est? On pense que ce sont des énergies reliées à la physique quantique. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on pense ça. Il y a beaucoup de discussions autour de cela, mais c'est un fait. C'est d'abord un fait. Nous vivons dans un univers qui est en expansion. Nous vivons dans un univers qui a été très chaud. Au début, j'allais dire début, on ne sait pas si c'est le début non plus. En tout cas, c'est le plus loin qu'on peut voir et aujourd'hui qui continue à se refroidir. Ça, c'est essentiellement ce qu'on appelle le modèle du Big Bang. Pas Bing Bang, mais Big Bang. Et c'est celui qui représente bien ce qui se passe dans notre univers. On aura l'occasion d'y revenir au Big Bang. On a déjà eu un premier aperçu de vos talents de conteur. On est suspendu à vos lèvres quand vous nous racontez l'histoire de l'univers. Vous disiez, c'est votre grand-mère qui vous a transmis cet art de la narration. Dans quel univers avez-vous grandi, Hubert Reeves? Alors, ça se passe au Québec. J'étais à Montréal. Et on avait une maison de campagne et il y avait beaucoup d'enfants et les enfants venaient souvent à la maison, toujours en demandant, racontez-nous des histoires. Donc ça a commencé comme ça. Alors il y a dans votre parcours des déclics. Par exemple, vous racontez que votre père, un jour, vous offre une encyclopédie, oui. Et il vous ouvre une fenêtre incroyable sur le monde et sur la connaissance. Oui, moi j'ai toujours beaucoup de reconnaissance pour les gens qui m'apprennent des choses. Et quand mon père m'apporte une encyclopédie, un vieux modèle bien sûr, mais quand même, je suis ravi parce qu'il y a des informations sur tout, sur pays et nations, sur la chimie, tout ça. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba pour moi. Alors il faut imaginer le petit Hubert Reeves dans son grenier en train d'épouser les volumes de son encyclopédie. Voilà. Et aussi, dans ce grenier, il y avait les livres de mes oncles qui, à la fin de leurs études, évidemment, mettaient leurs livres au grenier. Ouais. Et donc, j'arrivais dans ce grenier et je trouvais plein de livres sur de l'astronomie élémentaire, évidemment, sur une quantité de choses. Vos amis vous surnommaient, c'est ce que vous dites dans cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil, Petit bonhomme grosse tête. Voilà, c'était un des titres qu'on me donnait. Petit bonhomme grosse tête, petit lecteur, petit ci, parce que c'était un peu ma passion d'aller m'enfermer dans ce grenier pour lire les livres de mes oncles. Toujours avec votre grand-mère qui prenait votre défense. Absolument, qui disait « laissez-le tranquille ». Durant « tu perds ton temps », mes parents disaient « tu passes ton temps à lire, laissez-le tranquille ». Ah oui, c'est ça. Vous n'étiez pas encouragé dans cette voie finalement. L'astrophysique est venue, mais sans que vraiment on vous pousse à vous intéresser à ça. J'ai rencontré des gens j'ai rencontré en particulier un père trappiste qui était un généticien et qui me racontait, alors quelque chose qui m'émerveillait, on disait, vous savez, au Québec, l'hiver, il fait froid. Il y avait des problèmes avec les poulaillers parce que on ne pouvait pas chauffer les poulaillers, les gens n'étaient pas très riches. Donc, ils étaient à la trappe d'Oka. C'était un endroit où il y avait ce laboratoire pour faire de l'hybridage. Et ils avaient mis sur pied un laboratoire qui avait permis de réussir à faire un coq qui résistait mieux au froid que ce qu'on avait auparavant. La génétique, tout à fait ordinaire. Mais moi, je trouvais ça, je disais, mais ce sont des magiciens, ces gens-là. Mmh. Ça me paraissait fabuleux. Toutes les sciences vous intéressaient, finalement. Pas uniquement l'astrophysique, les mathématiques, mais également la biologie, on l'entend. Oui, oui, c'est vrai. Oui. J'ai toujours été très curieux, oui, ça c'est vrai. Et alors, quand vous dites à votre père que vous souhaitez devenir astrophysicien, que vous répond-il? Il me répond, bah, tu sais, tu vas devenir un petit professeur dans une école de campagne, tu sais, il faudra mieux que tu deviennes avocat, parce que j'avais des parents qui étaient dans le droit et qui réussissaient bien. Et moi, mon idée, c'est que c'était futile. J'avais cette image que être en droit, c'est s'occuper de murs mitoyens et d'héritage. Bon, c'est un peu faux, je sais maintenant, parce que j'ai des amis, et ma fille en particulier, qui est juriste. Mais c'était mon image. Je trouvais que c'était pas, j'avais envie de m'intéresser à des choses plus sérieuses, entre guillemets, en particulier les galaxies, les étoiles. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais c'était comme ça. Ça vous est venu, vous êtes devenu astrophysicien, vous avez participé à de grandes découvertes, on y reviendra dans cette émission, à vos recherches. Et puis, il y a eu ce goût pour la vulgarisation scientifique. Est-ce que vos premiers livres à destination du grand public ont tout de suite marché ? Oui, c'était « Patience dans l'azur » que j'avais préparé pendant assez longtemps. Alors, quand j'ai écrit ce livre, j'ai cherché un éditeur, évidemment. Tout le monde n'en voulait pas, hein, parmi les... J'ai vu 30 maisons d'édition qui me disaient « L'astronomie, ça n'intéresse personne. Ouais. Écrivez donc un abécédaire. A comme Aldébaran, B comme Bételgeuse, etc. » Et heureusement, j'ai rencontré Jean-Marc Lévy-Leblon, éditeur au Seuil, qui m'a dit « Si tu as quelque chose à publier, maintenant j'ai une collection qui s'appelle « Science ouverte », une collection scientifique, mais pas sèche, où on sente la présence, la vie de l'auteur, que la science, il disait, soit mise en culture. » Et il a pris le livre qui a marché très bien tout de suite. Alors, il y a une étape clé dans votre itinéraire médiatique et dans l'histoire de ce livre. En 1981, vous passez dans la mythique émission Apostrophe avec un Bernard Pivot conquis. Parmi les invités, il y avait aussi le biologiste prix Nobel François Jacob, tout aussi enthousiaste. Vous racontez l'histoire de l'univers depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'est quand même pas rien. Je suis utile de vous dire que j'ai appris des tas de choses, j'ignorais tout ça. Moi, je me demande, alors, je sais pas, on va peut-être dire que l'autre livre est plein d'erreurs, peut-être que Philosophie dira. En tout cas, moi, je trouve que ce livre, on devrait en rendre la lecture obligatoire dans toutes les terminales. Ah, je suis absolument d'accord. Ah, vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord. Ah non. Ah, c'est vrai, parce que c'est incroyable. C'est exactement le genre de choses. Vous n'avez jamais rien compris à tout ça, les galaxies, les planètes, l'atome. On voltige là-dedans, on nage. C'est formidable. Non, c'est vraiment, c'est... Eh bien, vous... J'ai appris mille choses extraordinaires. Alors, on pense que vous êtes toujours, comme le professeur Jacob, toujours émerveillé par le monde. Ah oui, ça, effectivement, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre. C'est que plus on le regarde, plus on est étonné de... Oui, émerveillé par tout ce qu'il y a dans cet univers. J'ai voulu un peu faire passer ça, un peu contrairement, justement, à une certaine tendance réductionniste qui consiste à dire... Tout n'est que, vous savez, la position réductionniste, vous ramenez tout à quelque chose d'autre. Nous étions le 23 octobre 1981, ça vous a lancé médiatiquement, cette interview, Hubert Reeves. Oui, c'est ça, oui. C'était ma grande surprise, je ne m'attendais pas du tout, comme j'avais été refusé auparavant. C'était formidable. Alors ce passage à Apostrophe, c'est le début d'une popularité qui ne s'est jamais démentie. Cette exposition médiatique, vous êtes tombé dessus un peu par hasard. Vous la souhaitiez, vous l'avez bien vécue? Je n'imaginais même pas qu'elle pouvait exister. Mais si, j'étais heureux et je suis toujours heureux. Je suis content quand des gens me disent, vous savez, grâce à vos livres, pour moi, ça a été quelque chose d'important dans ma vie. Beaucoup de gens me disent, c'est grâce à vos livres que j'ai choisi le métier de... Bon, ben, ça donne un sens à la vie. Ouais. Non, je suis très heureux de ça. Vous avez suscité des vocations et aiguisé bien des curiosités. Nous allons partir avec vous dans un voyage à travers l'univers et le temps. L'astrophysicien aux allures de druide, Hubert Reeves, fait souffler un vent cosmique dans nos synapses cet après-midi sur France Inter. Très bien. Je me souviens, on avait des projets pour la Terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qu'écoutaient. Le parfum. leur vie. Et que même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Y a une idée pas dans mon air. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Le pouvoir des fleurs, c'était Laurent Voulzy. France Inter. Du vent dans les synapses. On aurait encore pu vous raconter que le cosmos s'était mis à se dilater, mais ça, d'autres auteurs l'ont déjà fait. On peut avoir dans cette théorie d'Einstein d'autres modèles où l'univers subirait une suite d'expansion, de recontraction, d'expansion, de recontraction indéfinie. Alors, le Big Blanc est arrivé à ses fins. L'univers entier n'est pas plus gros qu'un haricot. La fin de Shadok est arrivée. Dans un éclair fulgurant, le Big Blanc va les engloutir dans son néant. Il arrive chez vous, attention. Le Big Blanc, c'est ainsi que s'est terminée la série des Shadok, une autre façon de raconter l'univers moins calme et moins sereine que celle de notre invité, l'astrophysicien Hubert Reeves. Au cours de votre carrière d'astrophysicien, la grande révolution de la physique à laquelle vous avez eu la chance d'assister et de participer, Hubert Reeves, c'est la théorie du Big Bang. Vous commenciez à nous en parler. Elle est passée du statut d'une théorie un peu fumeuse, un peu hasardeuse, à une théorie solide. Absolument. Elle a beaucoup de confirmations par des observations. Beaucoup d'observations aujourd'hui, astronomiques surtout, et physiques, confirme cette théorie. Donc elle est, disons, hautement crédible. Ce qui ne veut pas dire qu'il est vrai, parce qu'en science, on n'est jamais dans la vérité. On est dans le plus ou moins crédible. Ouais. Et il est toujours possible que ça soit remis en question. C'est ça le fondement de la science, c'est qu'on est dans le doute. On dit, voilà, cela semble crédible. On juge, on jauge le niveau de crédibilité d'une théorie. Alors que dit-elle, cette théorie très crédible du Big Bang? Que raconte-t-elle de l'origine de l'univers? Sur l'origine de l'univers, elle raconte effectivement que notre univers n'a pas toujours existé, qu'il a un âge qu'on détermine à 14 milliards d'années, plutôt 13,78, on commence à être assez précis, ouais. Qu'il était très chaud, des milliards de degrés, et surtout totalement instructuré. Il n'y avait à cette période ni galaxies, ni étoiles, ni planètes, ni comètes, ni êtres vivants bien sûr, même pas de molécules, même pas d'atomes. Il n'y avait qu'une espèce de soupe incandescente et totalement instructurée. Et que l'histoire de l'univers, c'est cette transformation de cette soupe instructurée dans l'univers présent hautement structuré, dans lequel il y a des galaxies, des étoiles, et pour nous, la chose intéressante, des êtres humains, c'est-à-dire le cerveau humain, qui est peut-être, à notre connaissance, la structure la plus organisée, la plus compétente, la plus efficace qu'on connaisse. Oui. À notre connaissance. Oui. On ne sait même pas s'il y a d'autres vies ailleurs. L'univers est vaste. L'univers est extrêmement vaste. On est loin de l'avoir complètement exploré. Alors, ce Big Bang nous apprend aussi quelque chose, c'est que l'univers n'est pas figé. Il évolue, il a eu un début, et vous nous l'avez dit, il a eu l'apparition d'étoiles, de planètes, de galaxies. Ça veut dire que s'il évolue, il va se transformer encore. Qu'est-ce qu'on sait de l'avenir de notre univers? Ça, je pense que les gens qui se risquent à cela sont très braves. Ouais. Je crois que c'est largement inconnu. Bon, il va continuer à être en expansion. Alors, il y a deux sorts possibles. Ou bien il continue à s'étendre indéfiniment et à se refroidir. Ou bien, après un certain temps, il revient en arrière, c'est-à-dire que les galaxies arrêtent de s'éloigner et s'arrêtent, se rapprochent et deviennent ce qu'on appelle, par le mot anglais, de Big Crunch. Le Big Crunch, c'est l'inverse. Tout se ratatine en un seul point après avoir été en expansion. C'est ça. Alors, les deux possibilités restent ouvertes. Il y a une faible supériorité de la théorie du Big Chill. Le Big Chill, c'est le refroidissement, mais c'est loin d'être certain. Je dirais aujourd'hui, on ne sait pas. c'est l'un ou l'autre, on peut dire ça, mais qu'est-ce que ce serait exactement? Ça reste encore largement inconnu. Il y a beaucoup de choses qui sont largement inconnues encore. Ouais. C'est ce qui est passionnant, hein. C'est ce qui fait qu'on s'y intéresse toujours à cet univers. Alors vous avez tout particulièrement travaillé sur l'origine des atomes. On appelle ça la nucléosynthèse. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez compris exactement? Ça veut dire qu'au début de l'univers, il n'y avait pas de carbone, d'azote, d'oxygène. On sait maintenant où ces atomes sont produits. Ils sont produits à l'intérieur des étoiles. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des étoiles, il fait très chaud. Au centre du Soleil, il fait 15 millions de degrés. Au centre des Pléiades, il fait 200 millions de degrés. Et chaque étoile produit, grâce à cette chaleur, des réactions nucléaires, semblables à celles qui se passent dans les bombes atomiques ou dans les réacteurs, et qui ont comme résultat de transformer certains atomes en d'autres atomes. Et ce que nous savons aujourd'hui, c'est quelle est, pour chacun des éléments chimiques, on en connaît une centaine, nous savons dans quel type d'étoiles elles sont formées. Des fois dans des étoiles géantes rouges, des fois dans des naines blanches, des fois dans des supernovas. Tout ça, ce sont des noms de familles d'étoiles. Nous pouvons dire en gros, bon, il y a encore beaucoup de points mal compris, mais en gros, on sait maintenant cela. Ça, c'est ça. Ça s'appelle l'origine des éléments chimiques, ou en mots savants, la nucléosynthèse. Oui, c'est-à-dire que tous les atomes de notre environnement, ceux qui nous composent, sont nés à l'intérieur d'étoiles. À l'intérieur d'étoiles, oui, c'est ça. Nous sommes des poussières d'étoiles, c'est la phrase. Donc ça, c'est la grande nouvelle. C'est quelque chose qu'on ignorait avant 1930. C'est autour de 1930 que cette théorie a commencé à se développer. Maintenant, elle est passablement bien connue. Et dans votre livre, un livre que vous avez écrit avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, intitulé « Dialogue sous le ciel étoilé », vous dites même que la moitié de l'eau sur Terre est plus âgée que notre Soleil. C'est assez vertigineux. Oui. Ça veut dire que cette eau existait déjà avant même que le système solaire n'existe, avant même que notre Soleil ne soit apparu. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a continuellement de l'eau qui se forme dans l'espace à partir des atomes formés précédemment. Et quand le Soleil et son système se forment, il y a 4,5 milliards d'années, il y a déjà dans la matière de ce Soleil et de son entourage des atomes et de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que l'eau préexistait dans l'espace interstellaire aux étoiles qui se forment à partir des nébuleuses interstellaires. L'univers recycle en permanence. L'univers recycle et se développe et s'étend et crée de nouvelles structures continuellement. La nature est très inventive et elle passe son temps à créer de nouvelles structures. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la structuration de l'univers avec de tout jusqu'à Mozart et Van Gogh, si vous voulez. Ça nous situe dans le contexte d'une longue histoire qui dure depuis 14 milliards d'années. C'est ça qui est passionnant, c'est que nous sommes dans le prolongement de ce que la nature a toujours fait, nommément structurer, associer, faire des atomes, faire des molécules, faire des étoiles, etc. Et nous sommes des poussières d'étoiles, cette formule est superbe. Ça a été le titre de l'un de vos ouvrages, hein, Poussière d'étoiles. Ça a aussi été le titre d'un opéra cosmique pour lequel vous avez été conseillé. On va en entendre quelques notes. Alors c'était très moderne, hein, comme musique composée par Nicolas Frise. Ça s'est joué à la Cité des Sciences et de l'Industrie en 2002. Quel souvenir vous gardez de cette aventure? C'était formidable. J'ai beaucoup aimé cette aventure. On cherchait comment présenter dans un spectacle toute cette histoire d'univers et l'équipe qui était au contrôle était très imaginative. Pour moi, ça m'a permis de voir un métier que je connaissais pas du tout, celui de créateur de spectacle pour la Villette en particulier. Alors, vous ne connaissiez pas le métier de créateur de spectacle. Par contre, la musique, depuis toujours, parallèlement à votre goût des sciences, vous avez ce goût pour la musique. Ah, pour moi, c'est ma vie. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir appris. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à faire du piano, mais comme tous les enfants, à un moment donné, j'ai laissé tomber. Et ça, c'est ce que je regrette particulièrement. Aujourd'hui, j'adorerais jouer du violoncelle. Ce qui me frustre, c'est de ne pas avoir appris du violoncelle. Et si on a une autre vie après, on ne sait jamais. Eh bien, je cours tout de suite au conservatoire pour m'inscrire au violoncelle pour jouer les quatuors de Beethoven, de Mozart, de Debussy. Tous ces quatuors, je trouve ça d'une beauté absolument fantastique. Avec vous, l'art, la musique, la poésie ne sont jamais très loin. On parlait du titre de votre premier ouvrage, Patience dans l'azur. Oui. Vous vous êtes battu pour conserver ce titre. Il faut une part de poésie pour raconter la science. C'est ça. Les gens disaient, c'est pas un titre. Et c'est aussi Jean-Marc Lévy-Leblond qui a défendu ce titre en disant si c'est un titre. Et en fait, il s'est avéré que ça a bien marché. Poésie et connaissance, ça se marie? Ça va très bien, absolument. Alors il y a un thème qui a inspiré autant les poètes que les scientifiques, c'est le temps. Dès que l'on aborde la question du temps avec un astrophysicien, on est un peu perdu, on ne sait plus bien où on habite. Avec vous, on a peut-être une chance de s'y retrouver, alors tentons l'expérience. C'est quoi le temps pour vous? Hubert Reeves. Alors, je vais vous citer la phrase qu'on cite toujours dans ces conditions, qui est de saint Augustin, au 5e siècle, qui disait « Le temps, j'ai l'impression que je sais ce que c'est, mais quand quelqu'un me le demande, je ne sais plus quoi dire. » C'est un peu ça. On peut dire plein de choses, on sait qu'on n'a jamais épuisé le sujet, c'est quelque chose que l'on sent à l'intérieur de nous, c'est comme la musique. Ça ne passe pas par la raison, ça ne passe pas par le mental, ça passe par tout le corps. Nous savons que nous sommes liés au temps, vous ne pouvez pas aller à hier ou à demain. On est libre de se déplacer dans l'espace, mais dans le temps, non. Dans le temps, on est attaché dans un train et on visite les différentes gares de la vie qui sont la jeunesse. Là, moi, j'arrive, je connais un très beau vers de Saint-Jean de Perse qui dit « Grand âge, me voici ». Moi, je suis bien dans cette période, mais je trouve que ce vers décrit très bien ce phénomène que nous sommes comme transportés. Ça marche tout seul. Le temps marche tout seul. Et vous passez d'un âge à l'autre, justement, par ce phénomène mystérieux. Qu'est-ce que le temps? Mais alors, ça marche tout seul, mais ça a l'air de pas marcher de la même manière selon l'endroit où on se trouve dans l'espace. Espace et temps sont imbriqués. Pour les physiciens, ça ne fait plus aucun doute. Où qu'on se trouve, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Pourquoi? Ça, c'est la grande découverte d'Einstein. On pensait auparavant que le temps était le même pour tout le monde. On s'aperçoit que le rythme du passage du temps, c'est-à-dire le temps passe plus lentement quand vous êtes dans une vallée qu'au sommet d'une montagne. Mais très, très, très, très peu. En milliardième de seconde. Mais c'est confirmé par des horloges. Le temps passe différemment si vous êtes en mouvement ou si vous êtes au repos et ça varie avec le mouvement. Ça fait partie des connaissances non intuitives que la physique nous donne. On a tous l'impression que le temps, c'est hors de nous. Ce n'est pas hors de nous dans le sens que si vous voulez que le temps passe plus lentement pour vous, vous allez au fond d'une vallée, au fond d'un puits, plus vous êtes proche du centre de la Terre, justement parce que vous avez plus de matière autour de vous. Ça dépend de la densité de matière dans laquelle vous êtes. Pourquoi? On ne sait pas. C'est comme ça. C'est une découverte fondamentale. Nous poursuivons notre voyage cosmique en compagnie d'Hubert Reeves. Et dans la suite de cette émission, nous aborderons l'avenir d'une petite planète qui vous préoccupe tout particulièrement, Hubert, et vous n'êtes pas le seul, la Terre. Le calcium de nos os, l'oxygène que nous respirons, le fer de nos os, de notre sang, le carbone dans la plupart de nos cellules, tout cela vient des étoiles. Mes voix Daniel Fievé. Oh mon Dieu, c'était Christophe. Je chemine avec Hubert Reeves aux éditions du Seuil. C'est un livre dans lequel notre invité Hubert Reeves répond aux questions de l'éditrice Sophie L'Huillier. Vous n'y parlez pas seulement de votre carrière de chercheur, hein. Vous vous confiez sur des aspects de votre vie privée, vos réussites, vos échecs, vos regrets de père aussi. C'était un exercice facile pour vous de parler de vous, Hubert Reeves ? Oui, je dirais. Et puis surtout que la personne qui m'interrogeait, qui est Sophie L'Huillier du Seuil, est une personne avec laquelle je m'entends très bien. Donc ce travail a été très sympathique. Alors il y a au détour de certaines réponses un sentiment d'urgence qui apparaît. D'ailleurs, « Je n'aurai pas le temps », c'est le titre que vous avez donné à vos mémoires, toujours au Seuil, en référence à cette chanson de Pierre Delanoë chantée par Michel Fugain. En courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en cent ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. C'est un sentiment qui vous habite. Oui, une vie d'homme oui, ne oui. suffit pas à tout comprendre. Absolument, absolument. Je regrette le fait qu'après un certain temps, qui n'est pas si lointain parce que je suis assez âgé, j'ai 87 ans, je ne pourrai plus être au courant des informations que les scientifiques nous donnent sur cet univers et que dans quelques années, on comprendra des choses que je ne suis pas arrivé à comprendre. Pour moi, c'est frustrant. J'aimerais recevoir mes emails au-delà de... Mais vous comprenez. Ce sentiment d'urgence devant le temps qui passe est un des moteurs de votre curiosité aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je me dis le plus vite possible pendant que je suis encore lucide, parce que ça aussi, ça peut être menacé. Personne ne connaît l'avenir. Alors, il y a deux aspects à l'apprentissage. Il y a apprendre des autres et apprendre aux autres. Et ces deux aspects vous passionnent tout autant. Oui, j'adore enseigner. J'aime beaucoup, justement, apporter des connaissances à des gens qui s'y intéressent. Mes enfants, mes petits-enfants sont tous étaient très curieux. Pour moi, c'est vraiment une belle aventure, l'aventure de la connaissance. J'ai l'impression que c'est une des plus belles aventures de l'humanité. Que c'est la musique, la connaissance, c'est l'humanité à son meilleur. À son pire, ben c'est ce qu'on apprend sur les horreurs et tout ça. L'humanité n'est pas toujours très belle, même quelquefois vraiment pas belle du tout. Et donc il y a cela justement qui est bien, c'est cette activité qui consiste à répandre la culture, c'est ce que j'aime de notre existence. Et quelle réponse aimeriez-vous avoir le temps de connaître en astrophysique? Si vous aviez la possibilité d'en connaître un grand mystère de la physique actuelle, ce serait lequel? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Est-ce qu'il y a de la vie seulement sur la Terre? C'est tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ouais. Nous n'avons aucune évidence de vie ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ce qui veut dire que nous n'avons pas suffisamment cherché, mais savoir ce qu'il y en a, ce que je pense, mais c'est une opinion, bien sûr. Moi, j'y crois par intuition, mais ça vaut ce que ça vaut. Donc ça, si on m'apprenait qu'on a détecté de la vie sur une de ces fameuses exoplanètes qu'on connaît maintenant, ces planètes qui tournent autour des étoiles voisines du Soleil, ça, je trouverais ça fantastique. Et quand vous imaginez la vie possible ailleurs, vous imaginez des formes de vie simples ou des formes de vie intelligentes, peut-être plus intelligentes que nous? Peut-être complètement différentes. C'est tout à fait possible et on n'a aucune raison de penser que nous sommes la seule forme de vie. Il peut y en avoir énormément. Par exemple, il y a plusieurs formes de vie sur la Terre. Il y a la vie végétale et la vie animale. C'est très, très différent. Pourtant, ce sont deux formes de vie. Par exemple, quand on est arrivé en Australie, on a trouvé des animaux qu'on ne connaissait pas, des kangourous, ce qui veut dire que la nature a beaucoup plus d'imagination que nous. Donc, on peut s'attendre à tout. Ouais. On peut s'attendre à des choses vraiment très différentes. Ouais. Même encore plus exceptionnelles que des kangourous, finalement. On peut tomber bien sur des choses même qui ne seraient pas composées d'ADN, par exemple, qui n'auraient pas de peut-être, tout est possible. Fait d'ADN. Il n'y en a aucune raison d'exclure quoi que ce soit. Vous proposez souvent, Hubert Reeves, des conférences intitulées Astronomie et écologie. C'est facile de faire un lien entre ces deux choses? Oui, je fais le lien de la façon suivante, en disant l'astronomie, ça nous raconte le passé. Ça nous raconte comment nous en sommes venus à arriver. Comment, à partir du Big Bang, toutes les étapes qui sont les étapes qui sont notre histoire. L'écologie, c'est oui, vous êtes là, c'est très bien, mais attention, c'est menacé. Mmh. Donc, l'astronomie, c'est le passé, l'écologie, c'est l'avenir. S'assurer que l'avenir va continuer à être beau. S'assurer que la planète va rester habitable. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Habitable et agréable. Alors, vous êtes aujourd'hui président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité, ainsi que de l'Agence française pour la biodiversité. Quand est venu votre éveil à l'écologie ? Progressivement, quand j'étais étudiant dans les années 60, on avait l'impression que l'avenir était beau. Ouais. La victoire, l'après-la-guerre, on était positif. Moi, j'étais un défenseur de l'énergie nucléaire à ce moment-là. Vous avez changé d'avis à ce sujet? J'ai changé, oui. Parce qu'on disait, c'est la fin de la pauvreté, c'est l'énergie gratuite. Mais il y avait des petits problèmes. On disait, bon, on va les régler. Le petit problème qu'on parlait, c'était les déchets. Qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets? On ne sait pas, mais on trouvera bien. C'était cette attitude positive, un peu naïve, de dire, oh, on va bien trouver. Mais on n'a pas trouvé. Et ça reste un des problèmes avec Fukushima, avec Tchernobyl, qui sont là. Donc, je ne sais pas s'il ne faudra pas y arriver, parce qu'il y a aussi le problème du réchauffement climatique. Je pense que l'énergie nucléaire, il faut se débarrasser le plus vite possible. Mais simplement le plus vite possible. Si on le faisait maintenant, ce serait catastrophique. Donc, à mon avis, c'est trop dangereux pour les humains. Je crois que les humains sont trop brouillons. Les humains font des erreurs. Les accidents nucléaires qu'on a eus sont tous des erreurs humaines. Donc, en ce sens, c'est trop fragile. C'est un peu donner des allumettes à des enfants. Je vois ça comme on donne pas les allumettes aux enfants. Bon, ben c'est là, puis on en profite maintenant. Je serais bien fou de m'en priver. Moi, j'aime bien avoir de l'eau chaude dans ma douche le matin. Et même les bains, je crois que vous adorez les bains chauds. Oui, absolument, ça reste... ça reste une concession que vous faites au comportement pas très écolo. Vous aimez les bains chauds. Je voudrais vous faire réagir au propos d'un autre grand astrophysicien qui nous a quitté le 14 mars 2018, Stephen Hawking. Une des raisons pour lesquelles la Terre devient trop petite pour nous est qu'au cours des 200 dernières années, la croissance démographique est devenue exponentielle. C'est-à-dire que la population augmente du même pourcentage chaque année. Actuellement, le taux est d'environ 1,9% par an. Cela peut paraître peu, mais cela signifie que la population mondiale double tous les 40 ans. Je célébrerai mon 80e anniversaire en 2022 et durant ma vie, la population mondiale aura quadruplé. Cette croissance exponentielle ne peut pas continuer durant le prochain millénaire. D'ici 2600, la population mondiale sera agglutinée et la consommation électrique fera que la Terre atteindra un point d'incandescence. C'est intenable. Mais je suis optimiste. Je suis sûr que nous parviendrons à éviter cet Armageddon potentiel. La meilleure manière d'y parvenir est d'aller vivre dans l'espace et tester la capacité des humains à vivre sur d'autres planètes. Stephen Hawking, en 2017, peu avant sa mort, que pensez-vous de sa vision de l'avenir de l'humanité, Hubert Reeves ? Eh bien, je pense que personne ne connaît l'avenir. Et certains parlent effectivement de cette montée. D'autres disent qu'il est tout à fait possible qu'après un maximum, la population diminue et qu'on se retrouve avec des problèmes inverses. Ce qu'ont déjà, par exemple, les Japonais. Les Japonais sont face au fait que les populations diminuent. Donc, toujours est-il que c'est vrai, il a raison de ce qu'il dit. Si ça continue comme ils disent, mais je ne suis pas sûr, moi je dis... Il faut pas penser qu'on peut connaître l'avenir. L'avenir est généralement tout à fait étonnant et peut être très différent. Et quant à l'option de se dire prenons le large, allons loin dans l'univers pour s'échapper de cette planète que nous rendons invivable, ça vous semble la bonne solution ? Non, parce que je pense que si on part, si on réussit jamais à aller s'implanter ailleurs, il faudra d'abord être capable de vivre d'une façon écologique. Si on n'a pas appris, on ne fera que transporter notre comportement et les problèmes que nous avons ici, nous allons les déplacer. Mmh. Il n'y a aucune garantie que l'humanité habitant sur notre planète va mieux se comporter qu'aujourd'hui. Le problème, c'est d'arriver à vivre d'une façon qui permet justement aux écosystèmes de s'installer. Je pense souvent que on peut demander à, par exemple, à des animaux qui vivent depuis très longtemps, je pense aux tortues. Les tortues existent depuis 200 millions d'années et elles n'ont pas l'air d'être à veille de disparaître. Il faut aller demander aux tortues comment vous avez fait. Il faut leur dire, nous sommes ici depuis 3 millions d'années à peine et on est déjà dans le collimateur de l'extinction. Comment vous avez fait? Et la réponse sera, il faut d'abord arriver à vivre d'une façon écologique. Si vous n'apprenez pas, vous disparaîtrez. Si c'était à refaire, vous referiez de l'astrophysique ou vous vous lanceriez dans l'étude du vivant et des écosystèmes, Hubert Reeves? Je pense que je referais de l'astrophysique parce que j'aime beaucoup les mathématiques. C'est ça qui m'a fait hésiter au début entre la biologie, l'astrophysique. C'est que l'astrophysique, il y a de belles mathématiques. La théorie d'Einstein, c'est vraiment magnifique. Et c'est ça qui m'a toujours séduit. Mais en même temps, je m'intéresse aux autres disciplines, bien sûr. Et d'écologie et d'environnement, vous en parlerez, Hubert Reeves, aux côtés de Mathieu Vidard, lors d'un nouveau cycle de conférences organisé par France Inter, Demain, notre planète, à la Maison de la Radio, et dans une centaine de salles de cinéma en France. Vous serez en compagnie d'Aurélien Barraud, Cynthia Fleury et Valérie Cabanne. La première conférence aura lieu le jeudi 21 novembre à 20h sur le thème « Changer ». Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Hubert Reeves, restez avec nous. Nous allons continuer à parler environnement avec Jean-François Guiglione, le directeur scientifique de la dernière mission du voilier Tara. Il va nous raconter comment s'est passée cette mission de 6 mois dont le but était d'étudier les particules plastiques dans les estuaires et en amont de 9 grands fleuves d'Europe. Yeah. Dance in this bitch, gon' be crazy clothes. Made a 100 bands off a brick. Made a 100 bands off a brick. Per day, yo. Send my girl to church with some drug money. Told her pay my tithes, thank you, damn. Do you want take me to my favorite show? Day two, hold my hand and pull me close. Next to me, kiss my cheek. Sunny days. Day three, take me to a deep river. Steal a kiss when I'm lost in the mist. Will you still be there for me? Once I'm yours to obtain. What's my fruits of a taking? I need the love through my veins. Do you still think I'm beautiful when my tears fall like rain? My love is so bountiful. Get bound by his poisonous chains. For a man who can follow his heart and stand up in my holy terrain. I am blue when the moon hits my skin right. Hot pink when you open up my sweet thighs. Pull you in and your life can begin. Cause it's early days. Still be there for me. Now I'm yours to obtain. Now my fruits are for taking. And your fingers are stained. Do you still think I'm beautiful? Yeah. I hope you never take my love in vain. Yeah. Put a thunder through the window, I see rain. Water the corn, play with snakes in my man. Making you vulnerable, watch me drown in my pain. I feed you poison, ain't forever my light. Throw loads of God on you just to fall asleep. Pray for my sins, make me stronger while I'm weak. C'était Holy Terrain, FK Twix and Future sur France Inter et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. France Inter, du Vent dans les Synapses. La pêche a été bonne. Ouais, il y avait beaucoup de morceaux de plastique. Là, on est juste dans l'estuaire de la Tamise et à première vue, comme ça, il y avait une dizaine ou une vingtaine de morceaux de plastique. Bon, on va aller regarder ça plus finement sous la loupe. Alors on va aller voir ça d'un peu plus près dans le Dry Lab. Les scientifiques à bord du voilier Tara, il y a quelques mois dans l'estuaire de la Tamise. Bonjour Jean-François Guiglione. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire océanologique de Banyuls et vous êtes le directeur scientifique de la mission Microplastique 2019 du voilier Tara qui touche à sa fin. Quel était le but exactement de cette mission ? Alors l'objectif c'était partir du constat qu'il y avait une pollution énorme en mer, mais que cette pollution en mer elle était essentiellement due à la pollution terrestre parce qu'on sait que 80% des plastiques viennent de la Terre et donc on s'est dit évidemment il va falloir qu'on aille chercher maintenant dans les fleuves et il y avait très peu de travaux sur les fleuves et on va identifier la pollution à la source pour prédire aussi son devenir et son impact sur les organismes marins. Alors là, vous vous êtes limité, si j'ose dire, aux principaux fleuves d'Europe. Quels fleuves avez-vous remonté ? Donc on a effectivement pris 10 des 15 plus grands fleuves d'Europe. On a remonté la Tamise, l'Elbe, le Rhin, l'Ebre, le Tibre, la Seine, la Loire, la Garonne et la Rhône. Là, on va finir en fait sur la Loire. Là, c'est le dernier fleuve qui nous reste. Et vous avez fait tout ça en 6 mois. Là, cette mission était relativement courte. Ouais, c'est assez impressionnant en fait le travail qu'on est capable de faire avec cette petite goélette Tara, mais c'est toujours la façon de fonctionner. En fait, c'est 40 scientifiques qui sont derrière cette expédition. Il y a 11 laboratoires de recherche, donc on se relaie beaucoup sur le bateau. Il y a aussi une équipe à terre. Donc c'est assez intense, mais voilà, on est en train de terminer. On finit le 23-24 novembre à Lorient et on invite tout le monde à venir voir la goélette arriver. Oui, d'ailleurs, vous êtes ce week-end à La Rochelle et là aussi, le public peut venir visiter la goélette. C'est la dernière escale avant la dernière étape à Lorient. Concrètement, comment les scientifiques ont procédé sur place ? Alors, systématiquement, on fait des prélèvements en mer parce que c'est les choses sur lesquelles on veut se relier parce que c'est là où on a le plus de données. Et puis ensuite, on remonte dans le fleuve. Donc Tara, c'est une goélette, donc elle peut pas remonter les fleuves. On fait aussi des prélèvements à partir de Zodiac. Et on va faire des prélèvements en mer, au niveau de l'estuaire, donc c'est-à-dire à la sortie du fleuve. Puis après, on va remonter à la première grande ville pour voir l'influence d'une grande ville sur ses apports de plastique avec l'hypothèse au départ de dire c'est pas forcément des gros déchets qui sortent des fleuves, c'est peut-être des microplastiques. Et on s'est rendu compte, on a focalisé en fait sur ces microplastiques et malheureusement, c'est ceux qui impactent le plus l'environnement, le plus la chaîne alimentaire et on en trouve énormément. De quelle manière ils impactent la chaîne alimentaire ? Alors, ils impactent la chaîne alimentaire à la fois au niveau de l'ingestion, simplement en fait en mangeant des plastiques, on imagine que des poissons, si je mange simplement un chewing-gum par exemple, il va simplement transiter. En Méditerranée par exemple, on sait qu'on a dans l'assiette du poisson autant de microplastiques que de sa nourriture normale. Donc imaginez la moitié de votre assiette maintenant qui est remplie chewing-gum, là ça commence à faire beaucoup. Ah oui. Ça veut dire du coup, l'estomac de ces poissons en fait va être rempli et simplement ils vont mourir de faim. Donc c'est des choses qu'on peut voir. Après, et est-ce que nous, quand on mange ces poissons, on mange ces plastiques également alors ? Alors, pour les poissons, pas vraiment, parce que en fait, les plastiques vont être accumulés au niveau de leur estomac. Par contre, on sait que quand on mange les individus en entier, comme c'est le cas d'un plat de moule, on sait qu'on va ingérer à peu près 70 particules de plastique. C'est à peu près 7 particules de plastique quand on est en train de manger des crevettes. Et on sait que scientifiquement, on a montré en fait qu'il y a déjà 110 espèces qui sont perturbées vraiment par ces plastiques et la moitié d'entre eux en fait font partie de notre consommation. Alors, il y a effectivement la chaîne alimentaire qui est perturbée et puis les plastiques perturbent de différentes manières les écosystèmes. Alors ça, effectivement, c'est aussi des travaux qu'on mène depuis une dizaine d'années maintenant, en fait, sur ces plastiques. Et on s'est rendu compte que c'était des petits radeaux, parce que ces microplastiques, ils vont aller partout. Et donc, du coup, c'est important de savoir ce qui se passe dessus. Et pour n'importe quelle personne, en fait, on pourrait penser qu'un plastique, c'est inerte. Pas du tout. Dès qui va arriver sur la mer, il va être colonisé. Colonisé par ces bactéries, on les appelle la plastisphère, parce que c'est vraiment un habitat nouveau. Ouais. Et ce qui fait peur par rapport à ça, c'est à la fois c'est un transport de bactéries qui peuvent transporter des maladies, alors pas humaines pour l'instant, mais on a pu montrer en fait que ça pouvait transporter des maladies pour les animaux. Et puis aussi, c'est des vecteurs d'espèces invasives, c'est-à-dire que des petites larves vont pouvoir se mettre sur ces plastiques et transporter, en fait, être transportées à des kilomètres et ensuite perturber durablement un écosystème. Ça, c'est aussi une des choses qu'on regarde. La dernière qu'on regarde, c'est est-ce que ces bactéries sont capables de faire de la biodégradation, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont aussi capables de dégrader les plastiques, et c'est toute la question. Et c'est le cas alors? On ne sait pas encore? Si, on a vu en fait que on arrive au laboratoire à montrer que des bactéries sont vraiment capables de manger un plastique en entier. Maintenant, en fait, c'est des processus qui sont malheureusement extrêmement lents, et quand on regarde la lenteur que la nature fait pour ingérer en fait ces plastiques par rapport à ce qu'on apporte, malheureusement, en fait, la solution va pas venir de la nature là. Ouais. C'est clair que ce qu'on met aujourd'hui dans les océans, malheureusement, là, c'est une très mauvaise nouvelle, mais ça va prendre des centaines d'années, donc c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, en fait, avant que ça soit vraiment dégradé. Et il n'y a pas vraiment de solution en mer. C'était vraiment l'objectif de cette mission, c'est de dire arrêtons de penser qu'il y a des solutions en mer. Maintenant, il faut remonter vers les fleuves, remonter vers la terre et réfléchir en fait à d'autres solutions. Ouais. Hubert Reeves, que pensez-vous de ces menaces que font peser ces plastiques qui deviennent ensuite des microplastiques en se fragmentant sur les écosystèmes marins? Ben, je pense que ces études, l'étude de ce projet TARA, sont très importantes par rapport à ce qu'on peut appeler la restauration. Parce qu'on sait aujourd'hui que nous abîmons la planète, il est possible qu'on arrive à contrôler cela, mais ça ne va pas être la réponse à tout, parce qu'il va falloir voir à piloter les changements, c'est-à-dire il y aura beaucoup de décisions à prendre pour le faire au mieux. Ça ne va pas être simple de restaurer la situation, et des études scientifiques comme celle-là vont jouer un rôle très important. Vous êtes déjà monté à bord de TARA, Hubert Reeves? Non. Ouais. Mais il faudra inviter un jour Hubert Reeves. Ça sera avec plaisir, Jean-François Guiguillon, à Lorient. Merci. Le 23 novembre. Merci. Très bien. En tout cas, je vous remercie, Jean-François Guiguillon, de nous avoir éclairé. En attendant, tout le week-end, les habitants de La Rochelle et des alentours vont pouvoir visiter le bateau TARA. Décrivez-nous un petit peu ce qu'ils vont voir, Jean-François Guiguillon. La Goélette, en fait, c'est un bateau assez mythique qui a pour objectif, en fait, de faire des missions d'abord en Arctique. Elle a été fondée par Jean-Louis Etienne, repris ensuite par des grands explorateurs, et maintenant, en fait, elle est complètement dédiée à la science, et les gens qui auront l'occasion, en fait, de venir sur la Goélette vont pouvoir voir comment on travaille dans un endroit particulièrement confiné. C'est tout petit par rapport à nos laboratoires, mais on peut faire vraiment plein de choses, et ils auront l'occasion en fait de voir tout le matériel qu'on a embarqué sur ce bateau. À visiter donc TARA ce week-end dans le port de La Rochelle, une ville où il se passe décidément beaucoup de choses, puisque s'ouvrira lundi le Festival international du film et du livre d'aventure, avec beaucoup de choses à découvrir. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Merci Jean-François Guiguillon. Merci bien. Et merci à vous Hubert Reeves. Toutes les références de votre dernier ouvrage paru au Seuil, les informations sur la prochaine conférence Demain notre planète organisée avec Mathieu Vidard et France Inter le 21 novembre prochain, tout ça est à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Un grand merci à vous Hubert Reeves. Merci de m'avoir invité. À samedi prochain pour de nouvelles découvertes. À suivre Jean-François Zigel et sa preuve par Z de la musique, vous allez aimer.